la refais vite. Ouais, bah, tu sais, des fois, si je me rappelle pas, tu prends ma place, je te regarderai, faut te dire que je peux pas, sinon je m'approcherai du pot pour dire que je la chante. Vas-y. Mon fils Henri, 8 ans déjà, un jour m'a dit: regarde papa. Ah merde! Putain, c'était troll méchant, bah. Il y a des trolls méchants m'attaquent de dos, mais on peut trouver une rime plus bidon, tu vois. Le troll méchant m'attaque de dos. Faut que je le bute. C'est ça, ça sent. Vas-y. Mon fils Henri, 8 ans déjà, un jour m'a dit: regarde papa, le troll méchant m'attaque de dos. Il faut que je le bute, ce salaud. Chérie, ça fait déjà 14 heures que tu joues à ce jeu débile. Je veux être meilleur que le créateur. Vas-y papa, laisse-moi tranquille. Et ce matin, je me suis levé à 15h pétante. Pas le temps de m'habiller, faut que je passe niveau 30. J'appuie sur le bouton et l'écran s'est allumé. Merde, mais putain, la DSL a bugué. Je sors de ma chambre, c'est la première fois depuis une semaine. Même mon chien, je le reconnais pas. Il a même plus la même haleine. Le frigo a changé de place. Et merde, ma mère bosse. Mais où est-ce qu'elle l'a fourré, cette connerie de frigo? Je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie, et je suis un no-life. Je suis un no-life devant mon ordi, et je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie, et je suis un no-life. Je suis un no-life. C'est mon psy qui l'a dit, et ma mère me dit toujours: trouve-toi une copine. Mais j'en ai déjà une. Son pseudo c'est Arlette la coquine. On s'envoie des mails, on fait des chats sur la scène. On s'est jamais vu, mais tous les deux on s'aime. Dans mon monde, y'a plein de guerriers, des trolls, des paladins, mais aussi des sorciers qui se battent tous pour devenir le meilleur. Au final, ça fait donner plus de fric au Game Master. Je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie. Et je suis un no-life. Je suis un no-life. Je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie. Et je suis un no-life. Je suis un no-life. C'est mon psy qui l'a dit. C'est mon psy qui me l'a dit. Et j'ai pas trop d'amis, à part peut-être les autres qui m'aident dans le jeu à me défendre contre les démons et la colère de Dieu. Ou alors mon hamster, lui au moins, il m'aime bien. Il écoute et apprécie les exploits de mon paladin. Je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie. Et je suis un no-life. Je suis un no-life devant mon ordi. Je suis un no-life. Je suis un no-life. Et c'est ma vie. Et je suis un no-life. Je suis un no-life. Et j'ai pas trop d'amis. Votre publicitaire vous est présenté par SOS Amitié. Si vous aussi vous êtes un no-life, contactez-nous. Profitez-en, l'appel est gratuit. Merci.